Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même heure. I'm on a beam. If for that the two your pret, I donate a reservoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. I'm on a beam. If for that the two your pret, I donate a reservoir. Mélissa, ouf, Der Mar, avec Beast of Honor. Le ciel se lève plus tard, de M. André Brassard et Michel Tremblay. Alain Bachougne, hier à Sousse. Alain Bachougne, hier à Sousse. Ah. Je t'appelle depuis longtemps au numéro de téléphone qui n'attend qu'un coup d'aïe donc derrière la tête. Je veux te dire à l'instant, notre amour est devenu ainsi, jour après jour, tu me voyais comme si j'évoluais. Comme la luette instantanée. Oh, yo, yo, yo, c'est la luette instantanée. C'est la luette instantanée. Hey, là, je suis là. Hey, maudite. Oh, mon amour, je t'aimais depuis ce jour. Pas ce jour, ce jour. Oh mon amour, je t'aimais depuis 7 jours. Le 7e jour, Dieu créa l'amour derrière ses lunettes noires. Cette raca était claustère à part. Pas ma claire, c'est vrai, oui. Oh mon amour, je t'aime depuis toujours. En attendant, je me fais sécher les dents en souriant comme un homo sapiens. Merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you. Oh mon amour, je t'aime depuis le jour où notre enfant jamais vu ce beau jour où la création rime avec constipation. Il essaie de sortir sa force. Oh mon amour, je t'aime depuis 6 jours. 6 jours? En attendant, je veux le firmament. Mais tu me vois derrière cette. Et tu me vois derrière cette. Ou 5 jours. Oh mon âge, c'est redondant. Et j'ai en attendant, tu verras mon siècle. T'as la voix manquée, ben, c'est le ré mineur, hein? Les mineurs n'ont pas d'accès. Oh. Oh mon amour, pour ce, c'est tout. C'est un succès! On va gagner des prix vertigineux. Eh, hey, voyons, on ne gagnera pas une mauticienne. Regarde-le. Ah oui. Oh, mon... Non, là, ça fonctionne pas, hein. C'est pas dans l'âme, ça. Mais non, c'est pas dans l'âme, c'est dans... L'âme est dans ses feuilles. Oh, mon Dieu, OK. Hey! Les oreilles me sifflent. La tête me flotte. Est-ce normal, Dr. Guéritou? Bonsoir, vous êtes... Docteur Guéritou. Oh, bonjour, pouvez-vous vous placer derrière le micro? Ah oui, je me place derrière, m'entendez-vous? On vous entend à peine. C'est très bien. Alors donc, la tête vous flotte et la... Non. Non, c'est les oreilles me flottent, la tête me flotte. Comment, qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, c'est le dramaturge, là. Non, c'est pas ça qu'il y a... Il m'a dit, tu vas dire ça, les oreilles me sifflent. OK, oui. Je prends ça en note. Avez-vous un petit crayon? Eh bien, comme tous les médecins, j'ai mon crayon personnel. Attendez un petit peu. Les oreilles vous flottent, oui? La tête... Mais non, c'est pas... Non, elle est là, chez moi. Docteur Guéritou? Oui, c'est moi. Bon, docteur Guéritou. Les oreilles me sifflent. OK, les oreilles vous sifflent. Ensuite? La tête me flotte. La tête vous flotte, oui. Eh, c'est pas bon. Et ensuite? Est-ce normal? OK! Docteur Guéritou. C'est moi, Docteur Guéritou. Alors, les oreilles vous sifflent, la tête vous flotte. Oui, exactement. Vous êtes marin? Je suis un maringouin. Oh mon Dieu, vous me piquez la curiosité. Pardon? Vous me piquez la curiosité. À savoir? Ben, à savoir si vous êtes un maringouin. J'en suis un, maringouin. Un quoi? Hey, vous là. Hey, attendez, vous, Docteur Guéritou, m'a vous guérir le toutou. Ah, mais on m'a déjà guéri le poupou. Comment ça? J'avais des poupous partout. Mais malheureusement, c'est pas grave, c'est dû à une cliente. Une cliente? Mais une cliente. Une cliente? Mais une femme. Oh! Les femmes vous ont donné... Ah, elles m'ont donné de l'amour, elles m'ont donné... je leur ai donné de l'argent, et puis elles m'ont donné des poux, enfin. Hey, mon enfant de... Et puis donc... Mais on revient à vous, là, les oreilles vous sifflent. Oui. La tête vous flotte? Oui. Est-ce normal, Docteur Guéritou? Oui. Docteur Guéritou... C'est moi, ça? Ben voyons, êtes-vous docteur? Je suis Docteur Guéritou. Avez-vous eu votre... Je l'ai eu, mon... Alors, vous êtes un... Un imbécile. Bon, OK. Vous n'êtes pas un dieu? Ben, je suis un docteur, dont un dieu, oui. D pour... Dieu? Oui, et pour docteur, mais c'est similaire. Similaire. Mais similaire. Moi, je connais 7 millaires, 8 millaires, 9 millaires, 10 millaires, 11 millaires, mais 6 millaires, là... Mais si, c'est semblable! C'est semblable à l'animal? Ouais, les oreilles vous sifflent, la tête vous flotte, vous êtes un imbécile! Oh, merci, Docteur Guéritou, vous êtes un véritable grand Manitou. Alors donc, pourquoi ne pas reprendre les écrits de Jean de La Fontaine en les remodelant sous une nouvelle forme, celle qui nous offrira la liberté sans adhérer au classicisme endimanché qui attaque, attaqué, attaco, Attaco dépressif. Je suis un attaco dépressif qui accable ses fables. Présentement, occupons-nous de celle-ci. Celle-ci, ben attendez, là, nous sommes mêlés. On peut-tu, on est mêlés, le rythme. On est mêlés, on est mêlés. On est mêlés, on cherche l'arrivée. Mais c'est point un, Marie va sauter. On comprend pas, ben c'est normal. C'est pas pour être compris. C'est fait pour passer le temps. Pour passer le temps, je chante. Pour passer le temps, je chante. Hey, t'as l'œil. Moi, j'ai l'œil universel. Ben, c'est pas l'œil, c'est l'oreille. Moi, j'ai l'œil universel. Comment ça? Je vois à travers le linge. Tout est fini entre nous, et je sens que tes genoux. Hein? Ça a pété tout seul. Comment ça? Est-ce que c'est normal? Docteur guérit tout? Non, pas du tout. C'est... Oh! Ça a tout baissé dans l'octave. Ça a tout baissé. Ça baisse les octaves. C'est quoi ça? On va retourner sur le magasin. Jean-Marc. C'est les piles. Déjà, les piles sont à terre. Eh oui, c'est les piles. Madame, vos piles, ça vaut pas de... Vous êtes à la face de l'humanité, madame. Ah oui. OK. Alors donc, l'oiseau blessé d'une flèche... Mortellement atteint d'une flèche empennée. Comment ça? Elle était très triste. Comment ça? Elle était peinée? Empennée. Hey, ça, là, ça vaut combien en peine? Ça veut... Oh, 2-3 pénis. Mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée. En disant, en souffrant un surcroît de douleur... Oh! Ah! Ah! Ça, c'est pas drôle, ça. Ah! Je me retiens. Faut-il contribuer à son propre malheur? Oh, hey, ça là, Madame Tremblay? Oui. Hey, est-ce que vous contribuez? Ben, je contribue à ma sauce à spaghetti. J'ai donné 55$ pour mettre des vinaigrettes, pour mettre de la bonne viande à chercher quelque chose de très bon. Et un jus de légumes, et un jus de palourde, et un jus... liquide. Oh, vous voulez du jus liquide? Je cherche du jus liquide. Alors, j'ai deux méchants Boris. Lesquels? Ben, j'ai Rénal Gagné. Méchant jus. J'ai les rangs rénaldiens. Méchant jus. Et j'ai l'autre là. Méchant jus aussi. Alors, donc, faut-il contribuer à son propre malheur? Cruel humain. Non, c'est cruels humains. Cruels humains. Je vous tirez vos ailes. Non, un mot d'eau. Non, c'est pas ça. C'est cruel humain. Vous tirez-vous de l'aile à le pied à la queue? Non. Cruels humains. Vous tirez de nos ailes? De quoi faire voler ces machines mortelles? Mais ne vous moquez point. En gens se sont pitié. Souvent, il vous arrive un sort comme le nôtre, et il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux, sans leur parler. Je sais ce qu'elle va nous dire à ton regard. Je vois ce que tu désires. Un plaisir comme le nôtre, il en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres, c'est quelque chose de mieux. C'est pas ça du tout, là. Souvent, il nous arrive un sort comme le nôtre. Il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. C'est quelque chose de mieux. Sans leur parler, je sais ce qu'elle va nous dire. À ton regard, je vois ce que je désire. Un amour comme le nôtre. Il en est... C'est pas ça du tout! C'est pas ça, arrêtez-moi ça! Souvent, il nous arrive un sort comme le nôtre. Il en existe... Lâche-moi! Des enfants de Japette, toujours une moitié fournira des armes à l'autre. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Souvent, il nous arrive un sort comme le nôtre. Il en existe... Non. Souvent, des enfants de Japette, toujours une moitié fournira des armes à l'autre. Hey, c'est sublirénal, l'errance rénaldienne, jusqu'à mort s'en suivra peut-être. Toujours bonne émission. Resisting, so proud of what she's missing. She J'ai des éclamons comme ça. Je l'aime. La seule affaire drôle qu'il y a eu dans la journée, il fallait que je la manque. Souvenir du mariage de Louis. Il est beau. Il est beau. Non, cela, tu l'avais l'année passée. Oui. Hey, ça fait bien 15 ans que je n'ai pas dormi dans cette maison-là. Eh oui, c'est vrai. C'était notre chambre à tous les deux avant. As-tu une brosse? Il y a une sa coiffeuse, là. Okay. 14 ans de vie commune, ça s'oublie pas de même. Et quand je pense qu'on rentrait deux lits, c'est dedans. Moi, ouais, j'étais tellement petit, ces lits-là. T'en rappelles-tu quand mes pieds ont commencé à dépasser, puis j'avais peur que le fantôme de grand-papa Lapointe vienne me chatouiller? C'est Coco qui t'avait mis ça dans la tête. Il a l'air triste, Coco. Sais-tu pourquoi? Bah, il a toujours été bien cachotier. C'est sa job, hein? Oh, sa job. S'il t'entendait. Sa profession. Il n'a jamais aimé s'enseigner, puis il m'a jamais ça. Il devrait s'en aller d'ici aussi. J'y dis assez souvent. Surtout à cette heure que Louis est parti, là. Mais maman le garde tellement. Il ne saurait pas quoi faire tout seul, lui. Papa, il parle pas. Il pousse des pointes des fois. Mais ils ne se sont jamais parlé bien sérieusement. And we're getting ready to do a little walk. Talking about revolution because that's the era that you're caught in. You're caught in a revolutionary era. Oh. voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bougna, tu peux garder ton vin, ce soir je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer vos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, ce soir je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te v'là. Mon cœur ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde est revenue. Mon cœur arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te v'là. Mes mains restaient tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacré Mathilde, puisque te voilà. Ma mère, arrête tes prières, ton Claude retourne en enfer. Mathilde est revenue. On y apporte nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde est revenue. Ami, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. M'appelle Mathilde, puisque te v'là, te v'là, te v'là. Mathilde, puisque te v'là, te v'là, te v'là, te v'là, te v'là, te v'là, te v'là, te v'là, te v'là. Je sors de Sing Sing, 40 253 22 000. Et c'est combien de temps? 120-40 nuits. La brillantine, un double whiskies, trois maries et une Dorothée. Oh, que c'est beau! C'est beau! Tu vois la mer au fond là-bas. Oh, oh, oh. Une Chloé, s'il vous plaît. C'est beau, une Chloé, c'est beau. Et la mer, plus petite que soi. Et tu ne la vois pas. Encore un mot, encore un geste. Encore celle-là. Encore celle-là, et je me laisse. Je me laisse tomber par terre, ah, voilà ma de la mer. La mer est là, j'espère elle est toujours là, c'est le récif, et elle ne siffle pas, tantôt, tantôt, tantôt, aïe donc, c'est mes lunettes, si je ne... le micro est là, tu verras, tout est parti. C'est bon. Il n'y a plus personne. C'est bon, voyons dans le micro. Tu me désassommes. Pourquoi tu es là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Tu es là, là, là, là, là. Et plus rien ne m'arrivera. Tu es là, là, là, là, là. Comment ça, ça fonctionne? On a demandé une boîte à rythme. Bienvenue, bienvenue au royaume de Rénal, au royaume de Rénal, tout est possible, les poupées se mettent à gonfler, les royaumes à gicler, le monde à Rénal, tout monter sous vide. Attention, hey, on peut baisser le son. On va baisser le son. Est-ce qu'on peut monter le micro? Parce que tout à l'heure, rien ne fonctionnait. La pile était à pair. Et maintenant, elle est à mer. Alors donc... Oh! Dans le royaume arénal. Tout est beau dans le royaume arénal. Les animaux. Hey, wow. T'es-tu du genre, mon crapaud, à dire des animaux? Mais non, c'est pas ça. Mon cerveau est comme... Ben, c'est ça. Grammaticalement parlant, je ne te reconnais plus. Tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est pas ça qu'il faut. Arrête de crier. C'est pas ça qu'il faut. Arrête de crier. C'est pas le temps qu'ils font. Il faut dire... Dans le royaume arénal, tout est gonflable. La poupée, les rêves et les jeunes princesses. Qui les fesses serrées, même à Bruxelles, près d'Amsterdam, il y a des dames qui se cherchent du sel pour poivrer leurs amygdales. Et lorsqu'ils sont malades, il n'y faut plus y penser. L'homme est parti à Amsterdam. Il y a des dames. L'homme est parti pour Amsterdam. Il y a des dames pour les agoniser. Sais-tu dehors, sais-tu dedans, la femme attend l'homme voyage. Il y a beau temps, il y a bel âge, jusqu'à la vie. Il y a une rue là, qui s'appelle la fourche de la mort. Jusqu'à la fourche de la mort. L'homme est parti pour valser, la femme est seule. L'homme est parti, c'est pour valser, la femme est seule à tricoter. Une maille devant, une maille derrière, y a personne devant, y en a trop derrière. C'est fini! Alors donc, nous avons entendu Mélissa Ouf der Mort avec My Frogging Lotion. Le soleil se lève plus tard. Public Enemy, Get down! Get down again, pimp! Get down again, pimp! Get down again, get down again, get down again, pimp! Get down! Get down! Get down again, pimp! Et Claude Nougaro, qui nous a fait, nous a amené dans une élancée. Mathilde est revenue. Elle est partie. Errance Rénaldienne doit cesser son émission pour quelques minutes. L'animateur, producteur, metteur en onde et cinglé notoire, Rénal Gagné, se voit dans l'obligation la plus pressante de prier pour vous, brebis égarées. Ça c'est bien, Wow. Errance canadienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré, Rénal Gagné. Si vous ne le saviez pas déjà, je vous l'apprends maintenant. Hey, ton émission là, oui? Ne me fait pas rire du tout, du tout, du tout. Je ne m'esclave point. Il n'y a pas une dose d'humour. Moi, en 1966, là, j'ai déjà pris du LSD. On se bidonnait, mais là... Ton émission, là, ça me fait pas rire. Je m'esclave point. Il n'y a pas une dose d'humour. Moi, en 1966, là, j'ai déjà pris du... Hey, ton humour, là, ça me fait pas rire. Qui s'anime et s'enflamme avec une fougue depuis bientôt 5 ans. 5 ans, c'est long. Surtout quand on n'aime pas ça, hein. Et puis, hey, oui. Ton émission là, ne me fait pas rire du tout, du tout, du tout. Je ne m'esclave point. Il n'y a pas une dose d'humour. Moi, en 1966, oui, là, j'ai déjà pris du LSD. D'accord. On se bidonnait, mais là, ton émission là, oui, ça me fait pas rire. OK. Je m'esclave point. OK. Il n'y a pas une dose d'humour. D'accord. Moi, en 1966, là, oui, j'ai déjà pris du... Ouais. Du... OK. Hey. Ton humour, là, ouais, ça me fait pas rire. OK. Bon. Alors là, j'enlève... Je vois ici qu'il y a une anomalie au niveau visuel. Hein? Le micro me tape sur la gueule. Mais voyons donc, comment ça va? Ça va très bien. Et sinon, le micro me tape sur la gueule. Ouais, mais c'est bien pour ton public, il te voit pas. Mais ouais, c'est... Ah, vous avez raison. Cette émission... Alors, je reprends. Deuxième prise, troisième gain. Errance canadienne demeure une... Comment? Ouais. OK. Errance canadienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de gens animés. Hein? De gens animés. Désanime-moi ça, ce gars-là. Alors, jamais vous trouverez un promenant de Rénal Gagné qui s'anime et s'enflamme avec fougue depuis bientôt 5 ans. Nous fêterons la semaine prochaine notre 200e émission d'Errance Rénaldienne la semaine prochaine. C'est quelque chose. Il y aura des événements, des invités, il n'y aura absolument rien. Cette émission de variété vous présente... Non, mais c'est underground. Plus c'est underground, plus c'est sous le terrain, sous l'anonymat. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance Rénaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantané membre, instantané adhérent, instantané King. Et sur le moteur de recherche de ce réseau social. Et si vous... On recommence, c'est demain. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance Rénaldienne sur le moteur social. Ça commence! Ouais. On peut pas reprendre. Parce qu'il serait trop difficile à notre public d'accepter autant d'anomalies. Anomalies. Je connais Amélie. Amélie Mopombe. Bon, c'est Notombe. Amélie Mopombe. Je connais Amélie Notoire. Je connais Amélie Garnier. Je connais Arménie. Non. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance Reynaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément adhérent de la grande aventure qui vous arrive chaque semaine. Ça a été difficile, hein? Ah, c'est. Et moi, là, c'est plus. Ma bouche, je veux pas coordonner. D'un même élan. Écrivez-nous pour devenir membre. Laissez-nous vos commentaires à Reynald Gagné. R-A-Y-N-A-L-D Q-E-B-E-C à commercial hotmail.com. Alors, 1, 2, 3 à vos claviers. C'est ainsi que nous pouvons enchaîner avec cette semaine. Et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « magie ». C'est de la magie noire depuis presque 2 heures, là, depuis 1h20, non, 1h40, 1h45, 1h05, c'est de la magie noire. Noir comme ça, je vois plus clair. Mais. Je prie Charlotte et Notre-Dame. Non, c'est Charlotte prie Notre-Dame. Je Charlotte prie la mame. C'est pas ça. C'est Charlotte. Charlotte. Charlotte Gainsbourg qui est à Montréal, à l'Olympia de Montréal pour 2 spectacles ce soir, vendredi et aujourd'hui. Non, vendredi, c'est quand? Il faut que je dise à mon public, dis-le pas. OK, vendredi hier et aujourd'hui samedi, Charlotte Gainsbourg est à l'Olympia de Montréal. Et moi, je n'y suis point. Pourquoi? Point. Comment? Point. Hein? Point. OK. Point. Ça va bien? Point. Très bien. Point. Et tu te sens? Point. Un point. Final. Point. Très final. Point. On peut pas aller plus loin? Point. OK. Point. Oh. Point. T'as-tu du... Quand on a du foin, ça va bien. Quand on n'en a pas, ça va pas. Quand on a du foin... Premièrement, là, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que du foin. Ben moi, je connais ça, j'ai des chevaux. Ben oui, mais à part vos chevaux. Ben, j'ai des chevalines. Ouais, y a pas les chevalines. Ben, j'ai des vaches. Ah, oh, mon, nommez-les. Ben, y a Gertrude, la vache à lait. Y a Germaine, la vache à l'eau. Hey, ben, vous avez une vache à lait puis une vache à eau. Ben, voyons. En 2010, si t'as pas de vache à eau, ça te coûte cher. Parce que moi, c'est embouteillable, hein. Genre, elle me lâche même la bouteille. Ah, mon, par quoi? Par la muse. Par la muse. La muse de réverbère. Ah, mon Dieu Seigneur. Est-ce que ça arrive bouchonné? Ça arrive très bouchonné. L'eau est froide en sortant de la muse. Ah, mon. Quelle couleur est la bouteille? Translucide. On rend translucide et moi. Non, c'est pas translucide, c'est translucide. Ah, lucide. Lucide. Ma chérie. Lucide, ma chérie. Lucide, ma chérie, pourquoi tu me cherches ainsi? Tu ne peux comprendre que les marches de septembre, mais nous sommes en avril. Ne te découvre pas d'un fil, ma chérie. Alors donc, la magie ne s'opère pas toujours. Comment ça? Ben, il faut premièrement avoir un bloc d'opération, OK. Il faut avoir un médecin. Le docteur guérit tout. Entre autres, mais lui, je vous le conseille pas. Comment ça? Ben, il guérit tout. Et puis? Ben, rien d'autre. Oh. Mais le tout, c'est pas l'ensemble de rien. Non, le tout, c'est l'ensemble d'un... Le tout, c'est l'ensemble... C'est l'ensemble. Oh, OK. Alors, ensemble, on se rassemble. On se rassemble ensemble. Et c'est comme ça que la magie peut opérer sans aucun médecin. Alors, on doit le coucher. Qui? Le magicien. Mais si c'est une magicienne, ah ben là, il faut l'embrasser. Pourquoi? Ben parce que en elle, il n'y a plus de motivation pour s'envoler. Pourquoi? Ben, elle est sans elle. En elle, elle est sans elle. Ben oui! Elle n'a plus de truc. Et toi? Je suis un truc à moi. Mais là, moi, c'est toi. Tu es magie rouette. Avec la magie, ma chouette. Alors, la magie, c'est redondant et ça n'a aucun sens parce que ça n'existe pas. C'est vrai. C'est la vérité vraie. Vrai, comme rien n'est dans le rien. Tu t'en allais d'ici un jour. Je sais bien pas, hein. Le gros problème avec cette maison-là, c'est qu'on est trop bien. Tu sais, j'ai la misère à m'en aller, moi aussi. Les premiers temps, j'étais avec Claude dans ma maison. Je passais mon temps à chercher maman. Je pense que je l'appelais 15 fois par jour. Sors-tu un peu, au moins? Ben oui, Marguerite, ben oui. Hé, hey, quel âge ça te fait, là? 28. 29? 29. 30, le mois prochain. T'as un âge dangereux, ça. On rentre longtemps, on peut toujours faire des farces, mais après, on commence à devenir une vraie vieille fille. Oh, on croirait entendre parler maman. Ben, ça me soulage de voir que t'en parles. Ouch! Oh, ben, c'est pas des farces. J'ai juste fait des écailles de pinottes dans mon sauton. Dardon! Non, mais je suis sérieuse, tu sais. Faudrait que tu penses sérieusement de marier. Hey, notre petit Louis qui s'est marié aujourd'hui. Enfin, hier. On va s'ennuyer. Tu parles d'une idée d'aller travailler si loin que ça, toi. Tu veux pas en parler, hein? Marguerite, tu parles de me marier comme de me caser. Quand on va rencontrer celui que je veux marier, là, je vais aller te voir. Je vais te le présenter, puis on pleurera de joie toutes les deux. En attendant, pousse pas. C'est le fun de l'entendre. Tu l'as jamais oublié, hein? Même après 10 ans? Non. Allô, Philippe, hein? Il nous emmerde et on les emmerde. J'aurais pu être millionnaire. Toi aussi. Avec piscine et vue sur la mer. Même chose pour moi. Mais je suis dans la merde. Et on vous emmerde. Sentimentalement, démissionnaire. Pas moi, mon Philippe. Professionnellement, suicidaire. Tu vois, moi je suis dans la merde. Et on vous emmerde. Comme pour moi. Pas, non. Hey, plus casse. Mais casse-toi là. Hey, je vois pas que tu m'importunes. Hein. Oh, ben. T'arrives à. J'aurais pu être votre amant. Ouais, c'est ça, ouais. Et caresser vos seins blancs. Oui. Mais je suis une merde et je vous emmerde. Ouais, ben moi aussi je t'emmerde. Petite connasse. Va te faire voir ailleurs. Pour danser, mademoiselle. Alors tu danses. Qu'est-ce qu'il veut, ce connard? Je vais te casser. Va te faire voir. Enfin, mademoiselle, ne le prenez pas sur ce ton. Ouais. Elle a trop trop comme une connasse de premier rang. On les aime parce qu'on peut les remplir. Vas-y Philippe, à toi de combler. Moi je suis un poète et moi je aussi. Vous emmerde. On vous emmerde toutes les connasses. Ouais, poète. T'emmerdes la terre entière, ouais. Ouais, je suis un poète. C'est pas vrai. Poète. Et regarde-toi. Je vous emmerde. Allez, va-t'en. Petit. Sois gentil. Casse-couille. Baissez, va. Nous sommes là, il y a moi, il y a Philippe. Oh, puceau, va. Ah ben, ouais, tu veux que je continue à t'insulter, mais pourquoi tu restes là? Oh, elle est sale. Allez, va-t'en. Les câbles, le sang. Tu chantes, tu poètes, tu emmènes. Va-t'en, sois gentil, rentre chez toi. Bois une bière au bar. Je suis déjà pas mal bu. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux ton corps, de ta bouche. Mais bouge. Mais je... Je sors de chez toi pour un cachet conséquent. Oh que c'est Puccino, les gens pensent à Groupuscule. Tout ça car le nom s'écrit en majuscule. Dès que tu poses le pied, le ring se casse. Massacre à la savonneuse pour style crado. Guitariste, vas-y frappe la gratte, on m'appelle là-bas. Martel la basse, mettez-la à la tâche. Si et pas, fada, bada, boum. Vas-y qu'en otage, fais l'intifada. Voilà, vroom. parle-moi. S'y a rien à dire, on parloir. Plus passionnant que trois trilogies Star Wars, pas de moi. On m'a dit, toi et ta sale clique, retournez en Afrique. Vous ne ferez pas de fric ici. Trop de gens sont d'argent. Pense que c'est volé, mais que le singe fait de l'argent. Non, sur mon bateau, je pars à la conquête, yo. Fume les épinards, Black Popeye. Et je délocre dans plus d'un hôtel. Et ce soir, on présente le rap qu'on paye, Black Popeye. Repart à la conquête, yo. Fume les épinards, Black Popeye. Et je délocre dans plus d'un hôtel. Et ce soir, on présente le rap qu'on paye. J'ai mangé trop d'olives et recraché les noyaux. Trop de vis, ça fait péter les boyaux. Tiens mon CD en petit paquet. Une rime remplie 10 sachets. Si le crime marche, ce que je dis t'achète. À cette heure, je prends le mic comme on part en guerre. Dans la rue, j'écris sous les réverbères que c'est ici l'enfer. Au fond, j'en ai rien à faire, moi. Tu connais l'amour, repose en paix, yeah. Au lipopec, tu pars sans paix, yeah. À sec, pas de quoi rap. Les rap très typés, suréquipés, mettez son pipé, sûr, j't'ai piqué. Arrête de biper, t'as pas assez de batterie pour téléphoner. J'suis trop énervé, anti-RDV. Chez moi, trop de défilés, de stream. Ce que j'vis, trop long répété ou limite. Non, sur mon bateau, j'pars à la conquête, yo. Fume les épinards, Black Popeye. Et je délocre dans plus d'un hôtel. Et ce soir, on représente le rap qu'on paye, Black Popeye. Repart à la conquête, yo. Fume les épinards, Black Popeye. Et je t'élancre dans plus d'un hôtel. Et ce soir, on représente le rap qu'on paye. J'ai le discours et les biscottos dans un seul steak. Averti, je vaux le double de ton espèce. Tu veux entrer au lipopète? Tes fadas est mal sapé comme pour aller en discothèque. T'es pas original comme le marin noir peut l'être. Contrôle du haut de mes presque 2 mètres. Ces enfoirés doivent manquer de sommeil pour oser se frotter au Black Popeye. Sur mon bateau, je pars à la conquête, yo. Fume les épinards, Black Popeye. Et je délocre dans plus d'un hôtel. Et ce soir, on présente le rap qu'on paye, Black Popeye. Repart à la conquête, yo. Fume les épinards, Black Popeye. Et je délocre dans plus d'un hôtel. Et ce soir, on présente le rap qu'on paye. Black Popeye. Melissa of Dermot avec Hold If I Could. Le soleil se lève plus tard. Philippe Catherine, je vous emmerde. Et moi aussi. Et Oxio Puccino, Black Popeye. Popeye, vraiment. Ça, c'est un petit Popeye. Mais non, c'est un gros Popeye. Avec double boulette de viande et un petit pain bien croustillant. Alors oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une zone, une seconde zone, Quand il est parti en ville, le petit Koun s'en doutait pas du tout. Lorsqu'il est parti en ville, le Ticoun voulait revenir chez nous. Tipitan, tipitan, titicoun, tipitan, tipitan, tapali poum, poum, poum, poum, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Pam, pam, pam, pam, pam. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait. On demande à l'oiseau, est-ce qu'il y a un rossignol? Le rossignol chante en volant. Ben, il n'y a que l'oiseau de toutes les couleurs. Ben, peux-tu siffler l'oiseau de toutes les couleurs? Fring, fring. Eh, monsieur. Ouais. Gilbert, est-ce qu'on laisse l'oiseau de toutes les couleurs dans Chante-la ta chanson? Ben, on sait pas. Tous les ruisseaux font des fugues au soleil. Hey, ça là, c'est méchant, hein, s'il vous plaît. Toutes les fleurs des romances aux abeilles, bzz, bzz, bzz, bzz, même la pluie. Ça, c'est la pluie. Sentez-vous la pluie? Joue une symphonie, pam, pam, pam. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante, chante, chante là ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante là ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Pon, pon, pon, chante-la ta chanson. N'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Ça, c'est le fond, ça. Ça, c'est le fond de la chanson. Une chanson, c'est toujours beau. Une chanson, c'est belle. Une chanson. Une chanson, c'est toujours belle. Une chanson, ça nous ramène à l'unisson. Des petits mots, des petites phrases, des petites métaphores. Métaphores, mais ça m'en fort, ça m'en fort pas du tout. Pas du tout. Oui, effectivement, derrière l'adage se cache une autre vérité, une clé clandestine qui nous fera entrer dans une seconde zone de l'interprétation, une dimension cachée par les médias formatés. À présent, choisissons comme expression, et ça c'est très sérieux, ça, c'est de 1852, la rêverie et le dimanche de la pensée. Hey! La rêverie est le dimanche de la pensée. C'est un proverbe. Un commis? Non, c'est pas un commis, c'est un proverbe. OK, un proverbe suisse. Damiel. Damiel. Moi, j'aime bien le Damiel, mais je préfère le sirop marable. OK, mais c'est un sirop adorable. Le sirop marable, c'est un sirop adorable. L'amelé. Hamelamé. Hamohé. Hamahan. Hamehé. Hamohamehemohé. Okay. Et puis donc, c'est merveilleux ça. Là, j'ai un proverbe espagnol qui dit l'amour est mort. Est mort d'amour. Tu es trop mon porc. Tu es trop lourd. Non, c'est l'amour sans une certaine folie ne vaut pas une sardine. Un proverbe espagnol. L'amour sans une certaine folie ne vaut pas une sardine. Là, on ne sait pas si c'est une sardine déjà morte, collée sur une autre sardine, collée sur une autre sardine, collée sur une autre sardine, et nappée d'une sauce tomate dans laquelle on la place dans un couvercle d'aluminium, d'aluminium, mon cher frère. En ce dimanche de la Pentecôte, Dieu dit à ses disciples, vous ferez cela sans aucune mémoire. Ça, c'est la sonnette. La sardine, toi qui te dandines comme un servant de messe et qui nous donne autant d'adresse à travers les mots. Nous, les curés, nous, les prêtres, nous, les frères, nous qui cherchons entrer sous notre soutane autant de profanes et peu de femmes. Nous prions pour toi, servant de messe. Fring! Alors, alors, ben c'est ça. C'est un proverbe un proverbe de là-bas, de l'Espagne, qui dit « L'amour sans une certaine folie ne vaut pas une sardine. » Alors, votre sardinier de référence, Rénal Gagné, vous remercie infiniment et vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ce sera mieux que la mienne. Et ton émission, là, ne me fait pas rire du tout. Je ne m'esclave point. Okay. Il n'y a pas une dose d'humour. Moi, en 1976, là, j'ai déjà pris du LSD. OK. On se bidonnait, mais là, ton émission, là, ça ne me fait pas rire. OK. Je ne m'esclave point. D'accord. Il n'y a pas une dose d'humour. Ben oui. Oui, en 1966, là. Oui, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai déjà pris du café? Couleur. Café. J'aime la couleur café. Couleur. Café. Hey, ton émission, là. J'aime la couleur café. Ah ouais? Je ne m'esclave point. Okay. Il n'y a pas une dose. J'aime la couleur café. Moi, en 1966, c'est l'effet que ça fait. Avec de la fève à paix. On se bidonnait, mais là. Avec des jeux et des hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'emmerder, rien qu'à me faire. Aujourd'hui, la nuit sera longue, couleur. Café, j'aime la couleur, café. Café, café, café, café. Café, lolo, c'est parce que si vous le décaféinez pas, je vais le décaféiner, moi. Cette tolérance rénaldienne. Nous entendrons avant la fin Mélissa Dermore avec Lighting is my guile. Gil, gul, gal, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, gil, La complainte du temps perdu, Gilles Vigneault, la balade des sans-abri, et Léo Ferré, la quoi? Moi, je mentionnerais sans aucune gêne la solitude. La solitude. C'était Rénal Gagné, Errance Rénaldienne. On se retrouve la semaine prochaine. Laissez-moi vos critiques à Rénal de Québec à commercial@hotmail.com. Allez visiter mon site internet. Faites-moi Facebook, entrez sur Facebook, dites-moi des critiques et puis je reviens la semaine prochaine avec vous en toute intimité. Bye bye. Merci. Je vous aime. Merci d'être avec moi. of the night. Goodbye to my lover, I'm back in bed. The lightning is my girl and promises me to bring me to that corner again and again. And I'll meet you on the corner under your blue skies. Seeing cherry cola as a raging wine to bring you to my lips one more time. Gonna let the lightning tuck me into my bed. Electrified and cherry red, cherry red. There was a little girl who had a little curl right in the middle of her forehead. And when she was good, she was very, very good. On aurait pu faire ça à midi, ce petit party-là. Ben, bah, de te mettre le midi, tu folles. On aurait été obligé de manger notre poulet à quatrième vitesse pour avoir le temps de voir arriver notre gâteau. Ah, oh, parce qu'il y a un gâteau de fête par-dessus le marché. Un gâteau à sauce barbecue, peut-être. Je te dis que c'est agréable pour une fille au régime macrobiotique de venir dans un barbecue collette de ville. Tu peux me dire ce qui t'a pris de m'amener ici t'asseoir, toi? Ben oui, mais tu m'as dit que t'avais jamais vu ça des vues cochonnes. Je n'ai pas spécialement à avoir une non plus. Écoute, quand on pense qu'il y a des si bons films qui passent à Montréal. À propos de ça, c'était même pas une vue cochonne pour les filles. Les gars baissaient même pas les culottes. Ah, bonne chance. Il était assez laid. Heureusement qu'on n'a pas vu ça. Mmh. Je me rends souvenir du premier soir de mes 30 ans. Comment ça, non? C'est sa fête? Salut, fille. Hein? Père Noël. C'est ça. J'avais dit pas de cadeau, Paulette. Un petit cadeau que j'avais préparé avant qu'on décide de faire un party. On va avoir l'air des belles dingues, nous autres. Oh. Hey! On pourrait peut-être dire que ça vient de toutes nous autres. Ça serait moins pire. Ben, c'est pas un cadeau bien, bien cher. On aurait l'air cheap. Bon, bon, ça, c'est mon petit cadeau, bon. Mmh. Bon, ben, cache-le en dessous de la table, puis tu y donneras en partant. Ah, c'est ça. On va le développer sur le trottoir, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On irait-tu manger? Oh, oui, ça, c'est une bonne idée. J'ai faim, moi. Puis il fait pas chaud avoir de ça. Non? Ben là, notre barbecue, c'est justement à côté. Ah, oh, ben non, écoute, on mange du poulet quasiment tous les midis avec les filles au bureau. Ouais. Oh, pourquoi qu'on va pas là, là, à ce place-là? Comment ça s'appelle? On se fait 200 fois, je pense, puis je rentre jamais. Là, non, pas bon, je suis déjà allée. Non, là, manger du poulet. C'est du bon poulet, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de petite frite, peut-être frite, oh, Seigneur. Ta soirée, hein? Allons-y. C'est la troisième, hein? Puis, c'est de la faute à qui si on était arrivé une demi-heure en avant? Demoiselle, faites-vous ça ici, des between the sheets? Que c'est ça, enfin? La between the sheets. Bon, un œuf, du rye ou du bourbon, du rhum, de la crème fouettée, de la muscade. Refroidir tous les ingrédients au préalable et travailler rapidement. Battre le jaune d'œuf, ajouter le rye ou le bourbon, le rhum, la crème fouettée. Monter le blanc d'œuf en neige, ajouter au premier mélange, verser dans des jolis verres et saupoudrer de muscade. Ça veut dire combien de calories, ça? Ben voyons donc, t'imagines qu'on s'occupe de ça? En tout cas, moi je dis qu'il n'y a rien de meilleur qu'une bonne bière de chez nous. Ah! On croirait entendre mon nom Cartier. Une between the sheets pour mademoiselle, puis une bonne bière pour mon nom Cartier. Oh, puis... Il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a que du temps perdu. Touche mes mains. temps perdu. Il n'y a plus de jours à vendre, il n'y a que des jours vendus. Cache mon ombre, ouvre tes lèvres, sache mon nom, trouve le tien. Neige et vente et pleure au loin, pleure et pleure. Mon père nous a laissés. La vie, c'est une forêt de misère à traverser. Mon frère est parti militaire, ma sœur est entrée au couvent. À la petite voile, faut toujours faire avec le vent. Des cours du soir, une bonne mémoire, je passe les détails. Je suis devenu un prof d'histoire, un vrai travail. Un beau matin, un jeune tout croche, comme mes remarques avaient fauché, a sorti un couteau de sa poche, j'ai décroché. J'étais marié, mais mon divorce a pas tardé. La cour, c'était au-dessus de mes forces, j'ai rien gardé. Plus de char, plus d'heures, plus de compte à rendre, plus d'examen, plus rien de côté. T'es dans la rue, tu viens d'apprendre la liberté. Joe, c'est mon chien, un soir d'automne, il m'a suivi. Quand on n'a rien, on vaut ce qu'on donne, je l'ai nourri. Chien sans collier, clochard sans laisse, on se ressemblait. On s'est reconnus, deux purs bâtards de haute noblesse, le cœur tout nu. Je l'ai appelé Joe parce que mon frère s'appelait comme ça. Marcher au pas, c'est une carrière que j'aimais pas. Puis il y a des choses que les chiens comprennent mieux et plus vite que les humains. La liberté, l'amour, la haine et le destin. Joe a les yeux de son ascendance, un bleu, un noir. Je lui dis souvent, t'as bien de la chance, ça te permet de voir. Un t'es pareil dans un bulldog et les deux côtés d'un miroir. Et dans les paradis de la drogue, le désespoir. Dans les églises, dans les refuges, ils prennent pas de chien. Je comprends, ça ferait tout un grabuche, chacun le sien. Ça fait qu'on se couche toujours ensemble dans les poubelles de la société. Des fois on dort, des fois on tremble, même en été. Comprends-moi bien, j'accuse personne, je connais mes torts. Deviens doucement un autochtone dans ton décor. Dans les journaux dont je m'isole, je lis souvent le triste sort des pays où l'argent rigole avec la mort. J'ai 60 ans, des fois je rêve que je viens de trouver une petite cabane sur le bord d'une grève, puis que c'est l'été. J'aimerais bien que mon histoire finisse un peu mieux qu'elle a commencé. J'attendrai pas que la police vienne nous pincer. La terre est une manufacture de sans-abri. J'envoie une gang sur la clôture qui m'ont compris. Chaque fois que tu changes de frigidaire, tu viens de me construire un logis. Jette pas la boîte, y a des affaires qui n'ont pas de prix. La ville, c'est rien qu'un grand village exproprié. Ça tolère pas dans l'engrenage un sablier. Y a pas eu de champ ni les grandes orgues, mais par un 30 en bas de zéro, on l'a trouvé prêt pour la morgue comme son chien Joe. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. De toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, l'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur, les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais la solitude. La solitude. la solitude. La solitude, la solitude, la solitude. Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.